Tu, tu, do, do, Sonic. Tuto Sonic. Tuto Sonic. Bonjour, bienvenue dans Tuto Sonic, l'émission et les tutoriels de sur la musique. Alors aujourd'hui, on va parler d'un effet particulier qui s'appelle l'effet Doppler. Et donc l'effet Doppler, c'est le décalage de la fréquence d'une onde, que ce soit mécanique, acoustique, électromagnétique ou d'une autre nature. Et elle est observée entre les mesures de l'émission et de la réception du truc. C'est-à-dire que lorsque la distance entre l'émetteur et le récepteur varie au cours du temps. Typiquement, c'est ce qui se passe quand on a une bagnole de flic qui passe devant et qui fait... Enfin, une ambulance plutôt. Et c'est typiquement ce genre d'effet, ou ce genre de truc. Et donc un peu pour essayer de montrer un peu cet effet à nos chers auditeurs, je me suis dit que j'allais reprendre un peu l'idée de la pièce qui va être jouée à la fin du festival de Gordon Monahan, qui s'appelle le Speaker Swinging, dans lequel il y a des performeurs qui vont donc avoir des espèces de haut-parleurs fixés à des cordes et qui vont les faire tourner. Et donc il y a des sons qui seront diffusés dans ces haut-parleurs et ça va créer des sortes de trémolo ou typiquement une sorte d'effet Doppler, donc, par le rapprochement et l'éloignement du haut-parleur. Alors, je vais faire une petite expérience. Du coup, j'ai ici un haut-parleur. Et alors, je vais commencer par mettre une fréquence dedans et on va essayer de faire un peu tourner ça et voir ce que ça donne. Ah oui, ça. Donc, Jérémy se lève et est en train de préparer son installation pour... nous expliquer l'effet Doppler. Il a un petit souci technique, j'ai l'impression. Non, tout va bien. Tout de suite. Donc là, il a un microphone, on a un haut-parleur attaché en câble, il le fait tourner sur sa tête. En dodelinant de la tête en même temps. On se demande ce qu'il va essayer d'attraper au long. Ça marche, non? Alors, l'effet Doppler, d'un point de vue plus mathématique, on peut considérer qu'il y a trois référentiels galiléens à considérer. Le premier, c'est le référentiel du milieu dans lequel se propage l'onde, par exemple l'atmosphère dans une onde sonore. On note, c'est la célérité de l'onde dans ce référentiel, et c'est pas forcément la vitesse de la lumière. En deuxième, le référentiel lié à l'émetteur source, appelons VEM, la vitesse algébrique de l'émetteur source par rapport au référentiel. Et en trois, le référentiel lié au récepteur, appelons VROC, la vitesse du récepteur par rapport au référentiel. Par convention, les vitesses seront comptées comme positives suivant la direction et dans le sens de propagation. Ouais, alors, ainsi, si on vérifie que la formule FROC est égale à C par un VROC divisé par C par VER multiplié par FM plus égale à VEM négatif VLV divisé par C correspondra à un élément divisé par 1. Si FEM est la fréquence divisé par C fois FVR, alors, le récepteur Voilà, merci. Merci Jérémy. Merci, Jérémy. C'est vraiment dommage qu'il n'y ait pas... Pardon ? Non, je disais que c'était vraiment dommage que les auditeurs ne puissent pas avoir l'image parce que c'est vrai que c'était très beau comme moment de te voir avec tes lassos haut-parleurs comme ça au milieu de la pièce. Ouais. Ça venait rajouter à l'expérience. Avec une petite tension de savoir si on n'a pas un qui va lâcher. Exactement. Ouais, c'est un sorte de chasse au bison avec des haut-parleurs. Mais ça donne un peu le... Peut-être qu'on mettra une petite vidéo sur la page afin que vous puissiez vous en rendre compte. Et vous pouvez aussi, du coup, dimanche prochain, voir le concert World Music. Voilà. Non, ça, c'est l'autre. C'est, c'est vraiment c'est Speaker Swinging. Ah oui, d'accord. C'est pas le même. Ok. Non, je dis mais c'est l'autre aussi, ça va jouer. Ok. Que...